Bon, qui ben parlons. Par la femme ben fèvre bizarre. Ça a été de la regret ça là quoi. Ben jour nak mo don def ben voyage, wo don def escale ben deuk. Sen yena mboko quoi. Kay ne ko wako. Bon ñewul suñu kër, comme ça nga mën fi nek le temps que nga demat. Mo fa nek ay 5 jours yoy. Légui nak fi mu deuk, fi ci galle bi mu nekkon, ben galle ben neegu boy la newon. Neeg moy neeg yi nga xamantene ay étage la lal. Dal doy am benen la ci kaw ak benen la ci suuf nit mo ro bokk nek ak boy bi leg dal say tege gisi rek pam day sonal bi yeb leg bu yewo jël boy bi ci kaw tek fa tedd ci place boy bi ni gay nak bu ñewo gis na boy bi fu mu tedd dafa toy ñu tey boy bi di ko door nak di nga bay sonal han han chaque jour pam di def lolu chaque jour pam di def lolu ben jour rek boy bi commencé mar quoi rek mo xamna pa bi dom bram mu xaar ba nay pa bi juk nak fekk sawna lalam ba mu toy xib juk nak dem bay échanger boy bi rek gis boy bi day fofu yeb rek pa bi commencé nak rek ni ma mais ata qu'est-ce que je vais faire là pou wala ay day pou wala ay sa place ni jeul.